Certaines choses sont trop courtes. Le 1er avril, par exemple, avec ses blagues bonnes ou mauvaises, les délires de Google, les poissons que les enfants se collent dans le dos. Pas de bol, cette année, c'est tombé sur un dimanche. Et là, on est mercredi, pour ceux qui nous suivent en live. Alors, comme on fait ce qu'on veut sur Podcast Science, on a décrété que c'est toujours le 1er avril et qu'on va bien s'amuser. Vous êtes sur Podcast Science, c'est l'épisode 80. Benvenuti! Bonsoir, c'est Professeur Fun qui vous parle, qui joue les maîtres de cérémonie. Avec moi pour animer cette émission, plein de monde. On a Hélène d'abord, salut Hélène. Salut. On a Nico. Salut. Et on a Marco. Salut tout le monde. En principe, ah ouais, c'est bon. Tu nous as fait une frayeur à l'instant. Toujours pas de Franck. Franck a énormément de boulot dans le cadre de ses études, donc on l'entend plus depuis un moment, on l'entendra plus pendant un moment, mais pas de souci, normalement on l'entendra bientôt. Alors ce soir, on a décidé de s'amuser un peu. Pas de dossier, mais des news. Des news scientifiques, pas forcément fraîches d'ailleurs, parce que ça fait un moment qu'on met de côté les idées les plus incongrues pour l'émission de ce soir. News scientifiques, enfin, presque. Certaines sont vraies, et puis d'autres sont un petit peu inventées. Alors, comme on a envie de s'amuser, on l'a dit, ce soir, c'est concours. On a numéroté nos news, et vous allez pouvoir participer en nous indiquant lesquelles sont vraies et lesquelles sont inventées. Il y a bien sûr de formidables t-shirts Podcast Science à gagner pour celles et ceux qui trouveront les bonnes réponses. T-shirt Podcast Science ou l'un des livres de notre bibliothèque idéale, c'est à choix. Vous avez 15 jours pile pour participer. Les vainqueurs seront dénoncés ici même, dans Podcast Science 82, le 18 avril prochain. Puis vous verrez, c'est pas forcément aussi facile que ça en a l'air. Il faut les mériter, hein, ces t-shirts sur Podcast Science. D'ailleurs, on pouvait également en gagner la semaine dernière en mangeant des insectes. Et là aussi, il y a d'heureux vainqueurs. On donnera les résultats plus tard dans l'émission. Voilà. Juste avant de commencer, je vais vous demander de sortir vos agendas, puis de noter une date importante. C'est la sortie annuelle de Podcast Science qui aura lieu cette année à Paris, au Palais de la Découverte. Programme spécial goupillé par Nico, qui y a travaillé, qui connaît tout plein de monde. Et on prévoit d'y aller à une trentaine de personnes. Du coup, il faudra vous inscrire assez rapidement. Alors bon, on va gérer les inscriptions dès la semaine prochaine, mais en attendant, on voulait juste vous demander de vous libérer pour cette date-là. Donc ce sera le samedi 9 juin 2012 à Paris. On attaque. Alors qui c'est qui a la première news? C'est Marco, je crois. Oui, je crois bien que c'est moi. Bah écoute, on attaque alors. Let's go. Donc, pour la première news, on va parler un peu de nanotechnologie. Donc, d'une avancée qui va certainement ravir ceux qui repassent, comme moi par exemple, ça m'arrive, et pour qui le repassage représente le summum de l'ennui. Ouais, Donc, bon, on peut écouter des podcasts, hein. C'est le côté sympa, mais effectivement, c'est... Oui, c'est vrai qu'on peut faire d'autres choses à côté, comme écouter ou regarder la télé, heureusement, parce que sinon. Bon, donc tout le monde a certainement entendu parler des nanotechnologies qui feront certainement partie de plus en plus de notre quotidien, et puis cela dans pratiquement tous les domaines. Le principe des nanotechnologies est grosso modo qu'à l'échelle microscopique, la matière en fait ne se comporte pas de la même façon qu'à l'échelle macroscopique. Donc, c'est ainsi qu'une équipe de chercheurs danois, hollandais, pardon, a mis au point des vêtements qui se repassent grâce à l'action d'une simple décharge électrique. Il s'agit en fait de vêtements qui sont tout à fait normaux, à la différence en fait que le tissu contient ça et là quelques atomes de titane répartis assez uniformément sur la surface du vêtement. Et le rôle de ces atomes de titane en fait va être de répartir l'énergie de façon homogène. Car l'atome de titane, en fait, on s'est aperçu que quand il est isolé, il a la particularité de retransmettre l'énergie absorbée omnidirectionnellement, donc c'est-à-dire de façon identique dans toutes les directions. Donc, Ok. en pluguant en fait une pince électrique sur un côté du tissu, puis une autre sur un autre côté, et puis en libérant une décharge électrique suffisamment brève pour ne pas que le tissu grille. L'énergie de cette décharge en fait va se répartir équitablement dans tous les atomes du vêtement, ce qui va avoir pour effet de leur faire prendre une configuration optimale et de faire disparaître tous les plis. Voilà, donc à noter que cela fonctionne surtout avec les tissus synthétiques, hein, pour lesquels une application commerciale serait prévue d'ici les 2 ans à venir, et bon, fonctionne avec moins d'efficacité quand même avec le coton et encore moins bien avec les tissus en laine. Voilà. D'accord. Donc vrai ou faux? Ah, puis bon, moi je t'ai écouté comme si c'était vrai, j'ai pas l'habitude que tu racontes des bêtises, je me faisais déjà plein d'espoir. Donc c'est pas forcément vrai, c'est juste. Ah, c'est pas terrible. Forcément vrai, mais c'est pas forcément faux. Bon. Moi, ouais, pareil, j'y croyais pas mal là. C'est... Non, mais moi ce que je me demande, c'est comment faire pour tout ce qui est fronces, enfin les trucs bien chiants à repasser quoi, pas les grands draps. Non, les bah, du coup, t'as plus besoin d'y repasser avec ça, c'est ça? Ouais, c'est ça, t'as plus besoin, tu branches tes charges électriques. Ouais, c'est ça, tu branches tes deux électrodes et puis hop. Ouais. Donc le plan, c'est qu'à la place de t'emmerder pendant, allez, on va dire 20 minutes par chemise, pour les nuls dans mon genre. Bah ouais. Tu branches ta prise, tes deux électrodes et puis t'attends quoi? Rien? Ça se fait instantanément? C'est une fraction de seconde, hein, c'est instantané. Hein. Wow. Instantané, ouais. C'est magique. Bon, moi j'ai envie que ce soit vrai. Ça sent mauvais pour la vérité, le instantané, j'y crois pas là. Ouais, bah, c'est quand même des nanotechnologies. Hein, c'est... Ok, bon, bah voilà, ça c'était la news numéro 1, la news de Marco, repasser avec les nanotechnologies. Donc, oui, on a pas précisé, pour participer, ben vous participez par Twitter ou par Facebook ou par commentaire ou donc sur le site, c'est www.podcastscience.fm, podcastscience tout collé en un mot. Comment est-ce qu'on peut participer encore? Via le formulaire de contact du site, via les commentaires ou par email. L'adresse email, c'est podcastscience@gmail.com. Et dans les notes de l'émission, on remettra les titres histoire que qu'ils puissent ouais. Citer. Ouais, avec les numéros, tout, enfin que ce soit bien. Exactement. Et puis je crois qu'on les tweet au fur et à mesure, hein, c'est ça? Ouais. Ok, donc on pourrait aussi les retrouver sur Twitter. Excellent. Alors qui c'est qui a la deuxième news? Je crois que c'est moi. On t'écoute, Nico. Alors, quand tu parlais de news pas récente, moi, c'est une news qui n'est pas récente du tout, vu que ça date de 1724, mais qui valait le coup d'être citée. On n'est pas d'accord sur la définition de news. Voilà, mais qui valait le coup d'être citée, parce qu'en fait, on n'en a pas assez parlé. Donc, c'est pas tellement une news, c'est plus un résultat. Et en fait, c'est deux mathématiciens qui ont montré un théorème assez amusant, parce que c'est quelque chose qu'on trouvait dans la Bible. Moi, je suis très biblique ce soir. À savoir que c'est une méthode pour, à partir d'un morceau de pain, en obtenir deux d'exactement la même taille. Deux d'exactement la même... La même taille. C'est-à-dire, on prend un morceau de pain. Donc, la méthode consiste à casser le morceau de pain à un nombre fini de morceaux, par exemple en 10 morceaux, et de reconstruire de manière astucieuse ces morceaux pour obtenir deux morceaux de pain d'exactement la même taille. Donc, on multiplie les pains. D'accord. Même taille oui, et même poids aussi. Même taille, même poids et tout pareil. Alors, bien sûr, il y a un petit truc, hein. C'est un résultat mathématique qui est bien sûr inapplicable dans le beau monde réel physique. Le principe de ça, en fait, est d'utiliser des morceaux qui sont ce qu'on appelle non mesurables. C'est-à-dire, si la mesure, c'est le volume, c'est des morceaux où on ne peut pas calculer leur volume. Donc, ça commence à être des objets un peu bizarroïdes, mais en gros, c'est une méthode qui est à partir de... Si on accepte de pouvoir avoir des morceaux dont on ne peut pas calculer un volume, ben on peut les découper un pain, ou alors plus généralement, eux, ils parlaient de sphères à l'époque, en un nombre fini de morceaux, et reconstituer ça, et reconstituer deux sphères de la même taille, ou deux morceaux de pain de la même taille, l'un à côté de l'autre, avec ces morceaux. D'accord, donc tu es en train de parler de pains qui ne sont pas mesurables. Voilà, non, de morceaux de pain, parce qu'après, les pains reconstitués sont mesurables. Ah d'accord, ok. Les morceaux de pain ne sont pas mesurables, ok. Sinon, c'est pas drôle. Du coup, ça peut expliquer comment les pains ont pu être multipliés à une époque, quoi. Pour peu qu'on ait réussi à faire des morceaux non mesurables. Ouais, je vois. Maintenant, on connaît la méthode de Jésus. C'est pour ça que je me suis dit, c'est pas récent, mais ça valait le coup quand même, quoi. Ouais, ouais. Bon, on aurait dû préciser que qu'il fallait quand même que ce soit des news compréhensibles par le commun des Attends, mortels. c'est compréhensible, c'est juste qu'on ne peut pas. En fait, si je peux en dire deux mots de plus, l'histoire de dire Oui, pas vas-y, vas-y. mesurable, c'est assez simple. C'est que dès qu'on utilise un mot en mathématiques, de toute façon, il faut le définir. Et donc, une mesure, c'est défini par deux choses seulement. La première, c'est que l'ensemble vide, ça a une mesure nulle, ça vaut zéro, la mesure de l'ensemble vide. On peut dire que le volume du vide, c'est zéro. Alors, on peut en discuter, mais c'est la définition. Et la deuxième définition, c'est de dire que si on prend plusieurs objets disjoints, la mesure, donc le volume de l'ensemble de ces objets, c'est la somme des mesures de chacun des objets, la somme des volumes. Donc c'est ça une mesure. Et si on cherche pour ces morceaux qui sont fabriqués de manière bizarroïde à calculer un nombre, donc à donner une valeur de volume qui respecte ces deux propriétés, ben on n'y arrive pas. On montre que c'est impossible. Voilà pour deux mots. D'accord. Alors finalement, la question sur laquelle on doit se prononcer, c'est quoi? Alors Qu'est-ce la qui question qu'on doit se est vrai prononcer, ou c'est faux? est-ce que c'est vrai qu'il y a un résultat qui dit qu'à partir d'un morceau de pain ou d'une sphère, on peut obtenir deux morceaux de pain d'exactement la même taille l'un à côté de l'autre? Ah, mais qui C'est-à-dire, ont est-ce la qu'on peut même taille que multiplier celui l'état? d'origine C'est ou ça, tout à fait. qu'on... Est-ce qu'on peut D'accord, multiplier d'accord. en D'accord, découpant un dans nombre un fini de morceaux, univers donc un purement infini? mathématique. Ok, et tout ça dans un univers purement mathématique, on est C'est d'accord. ça. C'est un Ok. résultat. On donne pas de nom, c'est ça, sinon c'est pas assez drôle. C'est-à-dire? Bah, les noms des personnes qui ont démontré les choses. Ah, mais là, je crois que tu peux y aller. Donc c'est des certains Vas-y. Banach et Tonski. Comme ça en plus c'est pas facile à écrire, donc ça permettra de faire des recherches. Ok. Bon, Bon, c'était bon la news courage, la cher moins poditeur. abordable. Hein. D'accord. On est de tout cœur avec nos poditeurs sur celle-là. Ok. La troisième news, alors qui c'est C'est qui moi. s'en charge? C'est Hélène. Donc, c'est une découverte et une présentation de trois nouvelles espèces. Donc, en 2006, une expédition scientifique fut organisée sur l'île d'Espiritu Santo, Vanuatu, dans le Pacifique, par le Muséum national d'histoire naturelle. Enfin, Sud Paris, donc français. L'Institut de recherche pour le développement est Pro Natura International. L'expédition a rassemblé 160 scientifiques venus inventarier. faire l'inventaire de la biodiversité de l'île. Quoi, ça me passe pas. Et contre toute attente, les scientifiques stupéfaits y ont fait une découverte très étonnante. À l'intérieur d'échantillons de bois, ils ont trouvé sept petits mammifères vivants très étranges et dont l'étude conclut à l'identification de trois nouvelles espèces nouvelles de rhinogrades, tous appartenant à un nouveau genre nommé Nasoperforator. Nasoperforator. Donc en Ça veut fait, dire qu'ils ont un nez en forme de scie, c'est ça? en forme de forêt en fait, de mèche à D'accord. bois. Donc pour faire des trucs, pour faire des forages. Enfin, voilà, en fait, ils creusent le bois et en même temps, ça mange le bois. Donc c'est le premier mammifère xylophage. Mange du bois. Ok. Et donc en fait, ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que on pensait l'ordre des rhinogrades éteint. Et en fait, c'est un ordre de mammifères caractérisé par un fort développement de leur nez, d'où le nom de rhinogrades. D'accord. Et donc leur nez s'appelle le nasarium. Et selon les genres, ça peut servir à sauter, à se déplacer ou à chasser, ou ben pour le nouveau genre, à forer le bois. Donc, ces animaux ont été décrits pour la première fois dans l'ouvrage du docteur Harald Stumpke en 1961. Avec un nom pareil, c'est un Allemand. ouvrage qui a été publié malheureusement après la disparition de l'archipel du Pacifique de Aïe Aïe Aïe, dont on les pensait endémiques jusqu'à présent, puisque maintenant on les a retrouvés ailleurs. Donc en fait, c'est un ordre très important puisqu'il comptait près de 200 espèces réparties sur 37 îles. Cette extrême diversité était due à un isolement de l'archipel depuis le Crétacé supérieur. Donc, ces spécimens nasoperforateurs vont enrichir la collection de Buffon qui a été retrouvée lors de la rénovation de la Grande Galerie de l'Évolution. Pareil, on ne pensait pas avoir d'échantillons de rhinogrades et on en a retrouvé au Muséum national d'histoire naturelle. Et donc, ils sont actuellement exposés jusqu'au 31 mai dans la Grande Galerie. Ah, donc il y a possibilité d'aller vérifier sur place pour les Parisiens si c'est vrai ou pas. Voilà. Ça donne un avantage aux D'accord. Parisiens, quoi. Ouais, Oh, bah, comme après, souvent. y a des sites internet aussi, vous pouvez aller fouiller. T'aurais pu inventer un D'accord, nom de donc chercheur, attends. moi. Vas-y. Ouais, si je résume, donc on doit se prononcer, on doit indiquer s'il est vrai ou pas qu'on a trouvé des mammifères qu'on croyait éteints, qui ont un nez totalement improbable, qui ont été documentés par un professeur Stumpk et qu'on trouve sur un archipel qui s'appelle Aïe Aïe Aïe. C'est Enfin, ça. en fait, c'est l'ordre qui se trouvait sur l'archipel Aïe Aïe Aïe, et là, les nouveaux sont sur l'île de Espiritu Santo. Mais voilà. D'accord. Donc Ok, voilà, bah c'est dis donc, savoir si ça si c'est ces vrai. espèces existent effectivement. Ok, on sait que la réalité peut dépasser l'imagination, mais alors là, quand même, ça me paraît énorme. Bon, ok, donc on ne sait pas hein, si c'est C'est vrai ou ça. si c'est pas vrai. Ce n'est pas encore validé. Bien, Donnez la bah, je me réjouis. réponse. Heureusement qu'on n'a pas le droit de participer, nous autres, parce que là, je sens que j'aurais été un peu biaisé par certains éléments que tu as donné. Non, il s'appelait vraiment Stumpk, le mec. Non, mais il y a un livre de monsieur du docteur Stumpk sur les Incroyable, Kumke rhinogrades. peut-être. Vous chercherez sur Amazon. Si l'allemand c'est Bon, peut-être ok. Stumke, peut-être, non? Que Ça ouais, doit je sais pas pas, être. je ne garantis pas la prononciation. Mais Ok, voilà. bon, bah moi je vais attaquer avec la quatrième news. Allez, j'attaque fort aussi. Moi je vais vous parler de fruits miracles ou fruits miraculeux. Ou plutôt des Sinsepalum dulcificum, pour ceux qui ne me croiraient pas. C'est vrai que ça fait un peu gros fruit miracle. Donc le fruit miracle est une espèce d'arbre originaire d'Afrique de l'Ouest, et son fruit, le fruit miracle justement, fait un truc absolument incroyable. Quand on en mange un, tout ce qui est acide prend soudain un goût sucré. Le fruit en soi est plutôt neutre, a priori quand on le mange, voilà, il est un petit peu sucré, mais pas particulièrement. Mais le truc de dingue, c'est que si on mange un citron une minute après, ben le citron a un goût de confiture. Le vinaigre ressemble à du jus de pomme. Tout ce qui est acide prend un goût sucré. Pas juste vaguement doux, hein, carrément très sucré. Par contre, si on mange une banane, ben elle a toujours un goût de banane. Alors le fruit miracle, c'est une petite baie rouge qui provient d'un arbre tropical qui peut atteindre jusqu'à 6 mètres de hauteur et qui pousse donc en Afrique de l'Ouest. Et les gens du coin l'utilisent depuis toujours pour édulcorer le vin de palme ou la bière devenue acide. Et en Europe, on l'a découverte en 1725, donc c'est pas exactement une news non plus, lorsque l'explorateur Chevalier des Marchais est tombé dessus lors d'une expédition botanique. On a commencé à l'étudier scientifiquement au 19e siècle et il aura fallu attendre 1968 pour isoler la molécule qui est responsable de cet effet, qui s'appelle la miraculine. Alors même 1968, c'est pas hier, donc tout ça c'est pas la news, bah, ça fait un moment que le fruit miracle et son ingrédient miracle, la miraculine, sont connus, même si personnellement j'en ignorais tout jusqu'à très récemment. Non, la news, c'est qu'on a enfin compris comment ça marche. Enfin, je dis on, c'est un chercheur japonais qui s'appelle Keiko Abe de l'université de Tokyo qui a fait cette avancée. Alors, il faut que je vous parle un petit peu de la miraculine, donc de ce qu'il a découvert. La masse moléculaire de la miraculine est d'environ 25 000 daltons. Ça ne s'invente pas, je vous assure. Donc, c'est une unité de masse, enfin, c'est l'unité de masse atomique unifiée, le dalton, ce qui fait environ 5 fois plus lourd que l'insuline ou 1 400 fois plus lourd que l'eau. Et cette molécule, quand elle atterrit sur votre langue, qu'est-ce qui se passe? Bon, la langue est recouverte de milliers de papilles gustatives, et chaque papille contient entre 50 et 100 récepteurs de goût, et chacun de ces récepteurs répond à l'un des cinq goûts, sucré, salé, acide, amer et umami. Et par exemple, bah, quand un produit sucré atterrit sur un récepteur qui répond au sucré, bah, le récepteur s'active et il envoie un signal au cerveau qui lui dit voilà, c'est du sucré. Et la plupart des molécules interagissent avec ces récepteurs en fonction de leur forme. C'est un peu comme une serrure et une clé. Et la clé sucrée ne peut entrer que dans la serrure sucrée et déclencher le signal. Elle ne peut pas entrer dans la serrure du salé. Mais juste parce qu'elle n'a pas la bonne forme. Et ce qu'on a enfin compris avec la miraculine, justement, c'est que sa forme ne correspond pas du tout au récepteur sucré, sauf en condition d'acidité. La molécule change de forme quand elle est dans un milieu acide et elle prend exactement la forme du récepteur sucré. Donc ce n'est pas juste à peu près un petit peu la forme, mais c'est vraiment carrément parfaitement la forme. Ça s'emboîte parfaitement, beaucoup mieux que le sucre, 100 millions de fois mieux que le sucre et 1 million de fois mieux que l'aspartame. Donc les chercheurs sont actuellement en train de bosser sur de la bio-ingénierie pour que d'autres plantes puissent produire de la miraculine. L'idée étant de produire de nouvelles générations d'édulcorants qui pourraient notamment convenir aux personnes diabétiques. Alors voilà, bon, l'estomac évidemment n'est pas berné par la supercherie. Il y a de bonnes chances qu'il apprécie moyennement de devoir ingérer 1 litre de vinaigre, même si ça paraît très bon. Affaire à suivre, en tout cas, si la news est vraie, évidemment. On vous donnera du nouveau s'il y en a. En tout cas, j'aurais bien envie que ce soit vrai, ça. C'est quand même sympa. Ouais, non, surtout quand. Enfin, pour que je connais un peu le problème, quand, pour les diabétiques, c'est vraiment. Vraiment Ouais, compliqué, quoi, ça doit parce être le que. casse-tête. Ouais, absolument. Ouais, Bon, bah puis écoute, moi je veux pas donner tu de crées faux sans espoirs sucre. ni briser des espoirs. Je ne vais pas vous dire si c'est vrai ou faux. Il faudra trouver et puis on en reparle dans 15 jours. Ouais, c'est. Ça donne envie. Ok, donc ça c'était la quatrième news, hein, la miraculine. Vrai ou faux? Est-ce que la miraculine rend sucrés les aliments su acides et donc, ouais, on peut dire que c'est ça la question qu'on pose. Est-ce que la miraculine rend sucrés les aliments acides? Cinquième news. Cinquième news, je C'est sens d'après moi, son je titre crois. que j'ai sous les yeux que ça doit être une news à Nico. Ouais, et c'est une news récente cette fois-ci et qui va un peu attrister, je crois que c'est Xilrian que ça avait amusé l'histoire de Nombre Univers quand je vous avais parlé du dossier Pi. Donc Ouais. je vais vous rappeler tout de suite ce que c'est Nombre Univers. Alors c'est une news tellement récente en fait que j'avais décidé de pas en parler dans le dossier Pi parce qu'elle n'a pas encore été vérifiée. Donc le but du jeu va pas être de vérifier, de dire si elle est vraie ou pas, vu que ça n'a même pas encore été fait, mais plus de dire si c'est une vraie information ou pas. D'accord. Alors, pour rappel, on avait dit que pi, on ne savait pas si c'était un nombre univers, mais il y avait de grandes chances que ça en soit un. Alors, un nombre univers, c'est quoi? C'est un nombre qui, dans ses décimales, a tous les autres nombres. Donc, l'exemple le plus simple de nombre univers, c'est 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, etc. Et il se trouve que, une toute jeune mathématicienne d'une trentaine d'années, dont elle a 32 ans, aurait montré très récemment, donc elle s'appelle Sock-Pitebu, et ce n'est donc pas encore vérifié que pi n'est pas un nombre univers. Alors, la news en tant que telle serait pas passionnante pour un jour comme aujourd'hui si la manière dont elle avait démontré n'était pas aussi étonnante. En fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a Attends, isolé un juste nombre. que Ouais. tu peux nous rappeler son nom, comment elle s'appelle, t'as dit? Sockpitebu, Angela Sockpitebu. Je ne sais pas quelles D'accord. sont les origines de ce nom, c'est assez étrange, quoi. Et alors, pour démontrer ça, en fait, elle a isolé un nombre qui est, je vais essayer de le réciter après, je me le suis noté, parce que c'est un grand nombre à 23 chiffres, et elle a réussi à démontrer que ce nombre-là en particulier n'était pas dans les décimales de pi. Alors, ce qui est très intéressant, donc le nombre c'est 15 140 milliards 818 millions 181 413. Je vais peut-être le mettre dans la chatroom pour ceux qui auraient envie de faire des recherches. Enfin, je le mettrai tout à l'heure. Et alors, ce qui est hyper intéressant là, au-delà du fait qu'elle aurait montré que pi n'est pas un nombre univers, c'est surtout que cette démarche est extrêmement étonnante. À ma connaissance, c'est la première fois qu'on arrive à faire ce type de démonstration en isolant un contre-exemple. C'est toujours la solution la plus simple, mais c'est extrêmement dur à faire, surtout un contre-exemple à 23 chiffres. On se demande un peu comment elle l'a trouvé. Et ça ouvre pas mal de perspectives. Alors ça rappelle un peu ce qui s'est passé pour Pi. J'avais pas eu le temps non plus d'en parler à l'époque de mon dossier parce que j'avais pas beaucoup parlé des méthodes de calcul de Pi. Mais il y a il y a un certain nombre d'années maintenant, il y a deux mathématiciens qui avaient réussi à trouver une formule pour calculer exactement la décimale qu'ils voulaient de Pi. Par exemple, pour calculer la milliardième décimale sans calculer les précédentes, ils avaient proposé une méthode. Et ça avait énormément fait avancer le calcul parce qu'on pensait ça impossible. Et là, c'est un pareil, c'est que isoler un nombre qui n'est pas dans les décimales de pi, c'est pas quelque chose qu'on pensait possible avant. Donc voilà, affaire à suivre. Et si c'était vrai, bah ça serait un résultat très important et ce serait surtout un des premiers grands résultats de cette jeune mathématicienne, donc qu'il faudrait suivre. Moi j'ai dit D'accord, jeune pourvu que ça soit mathématicienne ou vrai. non. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai dit pourvu que ça soit vrai, parce qu'elle n'a pas encore les 40 ans, donc elle peut briguer Elle peut, ouais, alors sur un résultat comme ça, hélas, je pense pas que ça vaille une médaille Fields. Enfin, faut voir, ça dépend un peu aussi. Ouais, c'est vrai, si tu as la raison. Pour première les. fille. Et puis, c'est vrai que c'est plusieurs siècles de recherche, donc ça peut valoir le coup quand même. C'est plus dans l'utilité de la chose, mais c'est vrai que dans les médailles Fields, c'est pas forcément l'utilité non plus. En tout cas, elle pourrait faire avancer, enfin, sa façon de démontrer pourrait faire pas mal avancer les. Enfin, c'est des nouvelles portes mathématiques, ça pose plein de nouvelles questions, ça donne aussi un nouveau nombre, parce qu'elle a trouvé un nombre qui n'était pas dans les décimales de pi, du coup tout le monde va avoir envie d'étudier ce nombre-là, pourquoi lui il serait pas et les autres y seraient, quoi. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui y seraient pas, bien sûr. Enfin, Mais affaire à suivre. il faudrait pas qu'on ait trouvé toutes les décimales de pi avant de pouvoir dire qu'un nombre y est ou Alors ben, pas. c'est justement là où c'est intéressant de voir sa démonstration, parce que la manière la plus longue et en fait qu'on ne peut pas faire, ce serait de vérifier chaque décimale avec ce nombre-là. Et elle a sans doute trouvé une autre manière, du fait de ce nombre-là, alors qui est un nombre qui a certaines propriétés. du fait de les propriétés de ce nombre, elle a dû pouvoir montrer qu'il n'était pas dans les décimales sans avoir à tout vérifier, quoi. Que sinon, en effet, ce que tu dis est vrai, on ne pourrait pas tout vérifier. D'accord. Ok. On a Mou qui vient de réagir sur Twitter, qui nous demande si personne ne s'est déjà dit que pi était une précision inutile d'un nombre, Alors, c'est d'un ce que j'avais coefficient dit intégré. la dernière fois, C'est exactement c'est. ça, hein? Ouais. Ouais, après 40 décimales, avec 40 décimales, si de mémoire, je vais répéter ce que j'avais dit à la fois, avec 40 décimales, on a une précision suffisante pour calculer la circonférence de l'univers avec la précision d'un atome d'hydrogène. Donc ça relativise le fait de connaître 1500 milliards de décimales. Ouais, effectivement. Bon, ok. Voilà pour. D'accord. D'accord. Affaire à suivre dans 2 semaines pour savoir si cette jeune Ouais. mathématicienne sera célèbre ou pas. Jeune mathématicienne du nom de Angela Sopitebu, c'est ça? Sokpitebu, avec 2 T. Sopitebu Ah, avec déjà, deux tu T, oui, donnes un c'est important. indice. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai donné Sopitebu. des noms plus compliqués. Ah oui, je vais mettre le nombre dans la chatroom pour ceux qui sont en live. Et Excellent. Et puis on Sokpitebu, va enchaîner avec mathématicienne, la. il doit pas en avoir d'état. Effectivement, là, ça devrait pas être trop difficile à trouver. La news suivante, c'est qui? Ah, bah, les joies du hasard, c'est de nouveau moi. J'ai ma news là, voilà. Des chercheurs, pardon, des chercheurs en ingénierie de l'Université de Californie à Los Angeles sont arrivés à transformer du courant électrique en carburant. C'est une news qui nous a été communiquée par un de nos poditeurs, Vincent Jacquel. Alors, imaginez que, enfin, news, pas news, hein, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Imaginez que vous puissiez utiliser de l'électricité pour faire avancer votre voiture, même si ce n'est pas un véhicule électrique. Eh ben, c'est possible. Et c'est ce que viennent de démontrer les chercheurs, enfin, des chercheurs de l'école Henri Samueli d'ingénierie et de sciences appliquées de l'UCLA. Ils sont parvenus à transformer du dioxyde de carbone, du BCO2 quoi, en isobutanol, un combustible liquide, en utilisant de l'électricité. Alors cette avancée règle en fait plusieurs problèmes à la fois. En effet, l'électricité est difficile à stocker de manière efficace. Qu'il s'agisse de batteries chimiques, de pompes hydrauliques ou d'électrolyse, on a toujours un énorme problème. C'est le problème de la faible densité et de l'incompatibilité évidemment avec les structures de transport actuelles. Et dans une étude publiée le 30 mars dernier, donc ça c'est de la news, de la fraîche, publiée le 30 mars dernier dans le journal Science, James Liao, je pense que ça se prononce comme ça, Liao, et son équipe ont expliqué les détails et les avantages de la méthode qu'ils ont mise au point. Donc en gros, ils ont réingénieré, si le mot existe en français, des micro-organismes pour qu'ils produisent de l'isobutanol. Isobutanol, ouais, c'est ça, et du méthylbutanol dans un bioréacteur électrique en utilisant que du CO2 comme source de carbone. Résultat, un carburant liquide qui, contrairement aux piles, stocke de l'énergie à haute densité et pourrait être utilisé directement dans un moteur de véhicule ordinaire sans rien changer à l'infrastructure. Alors c'est franchement intéressant. On avait vu dans l'épisode 70 ou 70 que les panneaux photovoltaïques simulent la photosynthèse en transformant en énergie la lumière du soleil. En fait, c'était un petit peu exagéré, et il ne simule la photosynthèse qu'à moitié. En effet, la photosynthèse, c'est un processus en deux temps. Il y a une première réaction qui convertit la lumière en énergie chimique, et puis une seconde qui convertit le CO2 en sucre. Ben, ce nouveau processus permet de boucler la boucle. Et dans leurs essais, les chercheurs ont utilisé justement des panneaux solaires pour produire l'électricité nécessaire au processus. Processus qui, à son tour, a converti le CO2 en énergie exploitable. Et d'après les chercheurs, le processus qu'ils ont mis au point est plus efficace encore que le système biologique. Voilà, bon, pour le moment, tout ça n'a été testé qu'en laboratoire. On sait que ça marche, pas seulement théoriquement, ça marche aussi dans la vraie vie, mais la prochaine étape, évidemment, va consister à voir comment tout ça pourrait être fait à l'échelle industrielle. Voili, voilou. Donc ça, c'était la news. J'ai perdu le fil. Numéro 6. Déterminer si c'est vrai ou pas que des chercheurs en ingénierie de l'UCLA sont parvenus à transformer du courant électrique en carburant. Bah, ça serait cool, mais bon, vu les industries pétrolières, vu l'argent qu'elles amassent, je suis pas sûr qu'elles voient ça d'un très bon œil, si c'est vrai. Ben ouais, c'est toujours Ouais, pareil, hein. bon, en même temps, les réserves de pétrole sont pas éternelles, quoi. Il va falloir qu'elles songent à se recycler un peu, ces compagnies. Non, mais ce qui est pas mal, c'est que ça stocke à long terme l'énergie, quoi. Le problème des batteries à l'heure actuelle, c'est que on a du mal à stocker l'énergie, en fait, de manière générale. Yep. Donc voilà, on saura dans 15 jours si c'est vrai ou pas. Enfin, à moins de se documenter avant et de gagner le concours et de remporter un t-shirt. Ça, c'était la news numéro 6. Ça commence à devenir coton là. Tu En plus, m'étonnes, tu hein, nous faut vraiment donnes plein les mériter d'espoir, ces Alan, avec t-shirts. tes news. C'est dire qu'il y en a une de fausse, c'est juste horrible. Ouais, yep. Moi, je peux quand même donner un indice. J'en ai deux vraies et une fausse parmi les trois que je vais donner. Je crois que c'est le cas pour chacun d'entre nous, non? Ouais. Ouais. Donc voilà, il y a une méthode de contrôle déjà. Septième news. Septième news, c'est qui? Ça Et sent. c'est moi les embryons, c'est moi. D'accord, ok. Donc en fait, je vais vous parler donc d'embryons qui arrivent à se mettre en pause, enfin pendant leur développement. Donc en fait, ça a été observé dans de très nombreuses espèces. Et en fait, cette pause ou diapause, elle a été très peu observée chez les mammifères et on considère qu'il n'y a que 2% des espèces de mammifères qui ont cette capacité à mettre en pause à un stade très précoce le développement de l'embryon. Et donc en fait, jusqu'à présent, les biologistes pensaient que du coup, cette habilité chez les mammifères avait évolué de manière indépendante. Et du coup, enfin, c'était une convergence, quoi. C'était arrivé par plusieurs fois. Et là, en fait, il y a une étude récente d'une équipe de l'université italienne de Teramo qui semble démontrer l'inverse. Leur expérience est quand même un petit peu bizarre. Enfin, fallait y penser, quoi. Donc, en fait, ils ont utilisé des souris qui effectivement, enfin, dont on sait qu'elles sont capables de faire une diapause. Et donc ils ont pris des souris femelles qu'ils ont rendues en fait, enfin, ont rendu leur utérus non accueillant, c'est-à-dire en fait ils ont enlevé les ovaires et ils ont mis sous progestérone. Du coup, l'utérus n'est pas normalement pas capable d'accueillir un embryon. Donc les embryons peuvent pas s'y implanter. Et ils ont essayé d'implanter des embryons de souris et des embryons de moutons. Alors pourquoi le mouton? Parce que le mouton est une espèce qui normalement n'a pas de diapause, mais dont le cousin, le chevreuil, lui peut faire une diapause pour avoir des petits qui naissent au printemps, qu'ils soient issus de la première saison des amours qui a lieu en été ou de la seconde saison qui a lieu en automne. Donc ceux qui sont, enfin les embryons conçus en été, ils attendent jusqu'à l'automne avant de se développer. Bref, chez les Ok. moutons, ça ne se passe pas comme ça. Donc ils ont mis des embryons dans les souris, et puis au bout de 7 jours, ils ont regardé comment étaient les embryons. Donc, comme prévu, il ne s'était pas développé. Et ils ont après regardé si les embryons étaient encore viables. Et là, ils ont été surpris puisque les embryons de moutons étaient effectivement rentrés en diapause, ils étaient encore viables. Et quand ils étaient réimplantés dans une brebis, à ce moment-là, le développement reprenait et on pouvait obtenir un petit mouton un peu plus tard, quoi. Enfin, après le temps normal de gestation. Donc, en fait, les auteurs pensent que ça démontre que la diapause est possible chez tous les mammifères, mais que chez bon nombre d'entre eux, en fait, il n'y a pas de nécessité d'avoir de diapause, puisque normalement, quand l'embryon enfin, l'œuf est fécondé, donc l'embryon apparaît, l'utérus est suffisamment. Enfin, est prêt à le recevoir, donc normalement il n'y a pas de perte. Et en fait, ils expliquent que ça serait possible également chez l'humain, puisque nous sommes un mammifère, et que ça pourrait expliquer une observation d'une femme qui a vécu un délai de 5 semaines entre le moment où ils ont fait une implantation d'embryon de manière pour faire une fécondation in vitro. Et la présence de l'hormone qui indique l'implantation de l'embryon dans l'utérus, qui est l'hormone gonadotrophine chorionique. Et donc, enfin, dans l'article qui relate ce cas, le gynécologue avait expliqué qu'effectivement une diapause avait pu avoir lieu. Et à ce moment-là, faudrait que les gynécologues s'intéressent à ça, parce que ça pourrait expliquer. En tout cas, au moins une partie des bébés qui sont considérés petits pour leur âge de gestation. Puisque jusqu'à présent, on considère l'âge de l'embryon par rapport à la date du premier jour des dernières règles qu'a eue la femme. Mais si l'embryon a une petite diapause, pas non plus des diapauses de plusieurs mois, hein, ce serait quelques jours, ça pourrait. Des embryons un peu plus jeunes, et donc peut-être qu'il y aurait certaines césariennes qui pourraient être évitées, puisqu'en fait les enfants sont juste pas arrivés, enfin les fœtus sont juste pas arrivés à terme, donc c'est normal qu'ils sortent pas. Mais le problème, c'est que pour ça, il faudrait savoir quand est-ce que l'hormone gonadotrophine chorionique apparaît en fait chez la femme. Mais comme on ne fait pas des tests sanguins tous les jours pour savoir quand est-ce qu'elle apparaît, c'est un peu plus compliqué que de savoir le premier jour de leur dernière règle. Donc voilà. Et je voulais ajouter, parce Ouais, que j'ai un peu effectivement. oublié au passage, la diapause, ça se fait juste au moment du blastocyste, en fait, au moment où l'embryon commence à faire ses annexes embryonnaires, donc tout ce qui est placenta, et donc en fait commence à di dialoguer avec l'utérus de la mère. Donc à ce moment-là, effectivement, c'est logique qu'il peut se rendre compte si l'utérus est accueillant ou pas. Là, voilà. Ok. D'accord. Ben, c'est vrai que si ce truc-là marche chez l'être humain, on pourrait même imaginer, si on maîtrise un peu le processus, d'autres applications qui pourraient régler le problème, ou en tout cas apporter une solution au problème de l'horloge biologique, qui fait que ouais, aujourd'hui les femmes sont censées avoir des enfants en même temps qu'elles sont au sommet de leur carrière, en même temps que plein de trucs, et puis c'est juste une équation impossible, quoi. Je sais pas, t'imagines si on pouvait mettre la grossesse en gestation pendant quelques années? Je sais pas, quelques années c'est envisageable, pas tellement. Dans la nature, c'est pas Non, tellement le pas cas, hein. dans la nature, c'est pas trop le cas, Ouais. mais justement, c'est pour ça qu'on Mais l'a qui pas sait? observé, quoi. C'est que en règle générale, si elle a lieu chez l'être humain, ou ce serait quelques jours, quoi, en fait. C'est juste le temps que ça soit vraiment. Mais c'est plus par rapport enfin, aux fœtus et enfin aux bébés un peu prématurés ou pas prématurés, mais qui sortent. Enfin, qu'on fait sortir pour qu'ils soient, parce que c'est le terme et machin, et que en fait, on se rend compte que peut-être que quelques jours de plus dans le ventre de la maman, ça aurait pas fait de mal. Ouais, et puis bon, accessoirement, bon, enfin, je veux pas lancer un débat, quoi, mais il semblerait que le terme arrive souvent quand il est planifié pendant les heures de bureau du lundi au vendredi, quoi, ce qui semble Oui. pas très naturel. Bizarrement, si la césarienne est prévue, ils la font pas en plein milieu de la nuit. Bon, on peut comprendre aussi. Ouais, effectivement, mais les accouchements provoqués non plus n'ont pas lieu en plein milieu de la nuit, je crois. Hein. Oui, Enfin, je bah oui, c'est m'avance ça, évidemment sur un mais terrain bon, que je connais pas bien. après, mais c'est ça, est-ce que on est obligé de faire des césariennes ou même de provoquer les accouchements parce que n'arrive au bout des 9 mois et que bébé veut pas sortir et que mais que sur les échos, il est quand même un peu petit et que enfin Ouais. là, est-ce que ça Bah, c'est vrai que ce serait un mériterait pas indicateur de de plus. réfléchir quoi. Absolument. Bon, après, le problème, c'est que c'est un indicateur qui est quasiment impossible à avoir, puisque normalement, l'implantation se fait très tôt, donc en général, la femme n'est pas au courant qu'elle est enceinte. Donc, elle ne fait pas des tests sanguins tous les jours. Ouais, effectivement. Bon, Là, le bah problème. écoute, affaire à suivre. Donc si c'est vrai, tu nous en reparleras. Ouais. News suivante, news numéro 8, dont le titre est La théorie universelle, Ah, ça ne peut être que Nico, ça. c'est moi. Oui, alors toujours dans la série, j'avais pas compris que c'était des news récentes. Hein. Ce sera ça pour l'année nous, prochaine. ouais, c'est ça. Donc ça nous ramène il y a un moment. Je vais pas donner de date, hein, ce serait trop simple. Donc c'est un certain Bertrand Russell qui a un peu mis en exergue ça, mais bon, c'est des choses dont on avait déjà entendu parler avant. Mais lui, c'était un logicien, donc quelqu'un qui aime bien la logique. Et qui du coup a pu mettre ça en avant. En fait, il mettait ça en avant dans ses cours pour donner des exemples comme ça. Et c'est marrant parce que ça a jamais plus pris que ça, alors que c'est quand même une théorie assez impressionnante, vu que c'est une théorie donc faite d'un ensemble d'hypothèses dans laquelle tout est vrai. Donc c'est assez pratique comme théorie. On peut dire n'importe quoi, tout est vrai dedans. Par exemple, dans ses cours, il aimait bien montrer grâce à partir de cette dans cette théorie de 2 plus 2 égale 5. Et pour réussir finalement à démontrer que lui et le pape ne faisaient qu'un. Donc voilà, alors voilà, cette théorie, en fait, le principe qui est assez amusant, c'est que, enfin qui est assez amusant ou déroutant, c'est que tout est vrai, mais le compromis pour réussir que tout est vrai, c'est qu'il faut accepter que ce soit une théorie contradictoire. C'est-à-dire qu'une chose et son contraire peut être vrai. Un peu comme dans le cas du chat Schrödinger où il est vivant et mort à la fois. Ben là, voilà, on a une théorie où on a des contradictions, mais en contrepartie, tout est vrai. Voilà, en gros. Bon, Donc, t'es pas en train de compliquer le concept de l'émission là, pas du tout. j'ai Donc t'es pas en tout train de nous compris. dire finalement que si c'est vrai, en fait toutes les news qu'on est en train de débiter là Ah non, parce peuvent que être vraies, même si elles sont fausses. Ah, d'accord. non, parce qu'il y a quand même, c'est une théorie mathématique, c'est-à-dire qu'il y a des hypothèses à la base. Et là, typiquement, c'est ce que je D'accord. disais, donc j'ai pas dû le dire assez clairement, c'est que la contrepartie, en fait, d'avoir une théorie où tout est vrai, c'est qu'on accepte d'avoir Donc des il faut qu'il y ait une contradictions. contradiction. Voilà, et qu'il y Ouais. ait des contradictions beaucoup, c'est-à-dire, on dit que 2 plus 2 égale 5, on peut dire aussi que 2 plus 2 égale 4, tout est vrai. Donc, du coup, c'est un peu compliqué à utiliser, quoi. Parce D'accord. que il y a des choses contradictoires qui sont vraies. Et c'était un peu la base de ce que montrait Russell dans son cours, c'est que en utilisant cette théorie, une théorie contradictoire, on pouvait réussir à tout démontrer. Je vois. Ok, donc la question finalement, C'est est-ce on qu'un doit se certain prononcer sur quoi? Russell a bien parlé d'une théorie ou est-ce qu'il a bien exprimé l'idée, est-ce que cette idée est vraie, que à partir de contradictions, on peut réussir à tout démontrer? D'accord. Est-ce que l'idée est vraie et est-ce qu'elle est bien de Bertrand Russell? Par exemple, oui, le fait qu'elle Ok. soit de Bertrand Russell est peut-être moins important parce que c'est pas que de lui. Hein. Lui, il en a parlé en cours, je sais qu'il y a des anecdotes là-dessus, donc ça aidera peut-être à la recherche. Quoi. Ou alors je D'accord, plaisante ouais, parce que vraiment là, beaucoup. Google est mon ami quand même hein, pour tes Alors, news. Ok, faut donc ça voir, pas c'était. toujours. Hein. Il y a. En plus. Il a pourri le Ok. web. Ah oui, parce qu'on avait le droit de faire des faux sites, hein, c'est ce qu'on avait dit. T'as pas poussé le vice jusque-là, Non, j'espère. j'ai pas eu le temps. Ouf. Ah, Nico, Nico, Nico. Bon. Ok. Alors, on va passer à quelque chose de plus sérieux, on va dire. Non, quelque chose qui a un rapport avec la vraie vie, avec le monde physique. Tu sais, un peu en dehors Ah oui, le truc là, de ton autour. royaume là. Que tu vis au pays des mathématiques, en fait. Je sais pas. Attends, Là, tu fais une incursion dans la vraie vie. je vois le titre de Tian News, c'est pas non plus le monde qu'on peut vraiment toucher là. Hein. Non, c'est vrai. Alors, le titre, c'est La plus petite balance du monde peut peser un électron. Voilà, pas de bol, hein. C'est un article qui a été publié le 1er avril sur le site du très sérieux journal Nature Nanotechnology. Je dis pas de bol parce que l'article a été soumis le 17 janvier dernier, il a été accepté le 29 février, je sais pas pourquoi ils l'ont publié le 1er avril. Signe ou pas signe que c'est une erreur, ce sera à vous de vous prononcer. Donc c'est un groupe de chercheurs de l'Institut catalan de nanotechnologie à Barcelone qui a créé une nouvelle balance et un nouveau processus de pesage qui augmente la précision de la mesure de l'infiniment petit dans des proportions complètement hallucinantes. Leur nouvelle balance, qui utilise des nanotubes courts à basse température, est capable de mesurer la vibration d'objets de moins d'un millième de yoctogramme, soit ce que les anglophones appellent un octillionième de gramme. Donc c'est 1 gramme fois 10, enfin fois moins 10 puissance 27. Je crois qu'en français on dit un quadrillionième, mais j'arrive jamais à me rappeler, parce qu'en fait c'est pas du tout logique en français. Et en nombre Et il y a un suisse, on truc. dit ça comment? On dit une chiée, puis un petit temps. Non mais en anglais il y a un truc mnémotechnique en fait. T'enlèves 3 zéros et puis tu divises par 3 le nombre de zéros qui restent. Et puis ça te permet de retrouver, tu vois, ce qui est un billion, un trillion, un quadrillion, D'accord. etc. Enfin, la suite est logique. En français, j'ai jamais rien compris. Je sais pas, faudra m'expliquer. Donc je crois que c'est un Okay. quadrillionième. Le Bref, français se pour construit au... indication. Non, c'était rien d'important, tu peux y aller. Pour indication, un proton pèse 1,7 yoctogramme, donc, et un électron est 1960 fois moins massif qu'un proton. Un électron pèse donc 1153e de yoctogramme, ce qui est précisément le seuil de détection de cette balance. Donc, dans le futur, elle devrait trouver des applications dans le domaine du diagnostic médical et bien sûr dans le monde de la recherche. Voili voilou, c'est vrai, t'as raison, je sais pas si c'était beaucoup plus concret Et quel genre que d'application? C'est pour sphère impressionnant, ouais. mathématique. Et Alan, quel genre d'application? À quoi ça sert de peser des électrons? Bah écoute, j'en sais rien, il y a Et certainement des tas d'applications. du coup, si j'ai bien compris, Je sais pas. elle pèse les trucs qui passent dans son domaine. Donc il faut être sûr qu'on n'a qu'un électron pour être bien pesé un électron. Ouais, enfin, t'es pas obligé de ne peser qu'un électron non plus, hein. Elle est tellement précise en fait qu'elle est précise à l'électron près. D'accord. Voilà. Mais C'est tu peux marrant. peser plein de trucs. Ouais. Pour la cuisine, ce sera pratique. Pour la cuisine moléculaire, en tout cas. Oui, c'est ça. Bon. Ok, c'est un peu une blague à deux balles. C'est ça. Ok, donc ça c'était la neuvième news. Vrai ou faux, est-ce que la plus petite balance du monde peut peser un électron? Et contrairement aux Dixième apparences, la news. news suivante, c'est pas moi. La news suivante, c'est pas toi. Eh Non, bien, je on crois est dans le bien, c'est monde moi. réel là, avec. Ouais, c'est ça. On est passé de l'infiniment petit, on va passer à l'infiniment grand. Qu'est-ce que tu nous présentes? Bien, bon, on va parler de galaxies. Donc, ce sont en fait un groupe international hein, d'astronomes, avec des Allemands, des Australiens, des Finlandais et des Suisses. Faire plaisir à Alan. Donc, Ah, c'est gentil. qui étudie en fait des amas globulaires à l'aide d'un télescope qui se trouve sur l'île d'Hawaï. Et puis ils ont remarqué sur le bord d'une image une galaxie naine en fait avec une forme inhabituelle puisqu'elle était de forme rectangulaire. Une En fait, on galaxie devrait... rectangulaire. Voilà, c'est ça, une galaxie de forme rectangulaire. Enfin, je dis. Ok. Qu'elle est de forme rectangulaire, mais on devrait peut-être plutôt dire qu'elle était de forme rectangulaire, puisqu'elle se trouverait à 700 millions d'années-lumière, et que donc à l'heure actuelle, elle a probablement changé de forme. Donc cela fait d'elle en D'accord. fait une galaxie qui est vraiment spéciale, puisque ben, la plupart des galaxies qu'on observe hein, se classent dans trois grandes catégories en fait. Il y a les elliptiques, les spirales, et puis les irrégulières. Donc en fait, grâce à cette forme, la galaxie a été surnommée en fait galaxie de l'émeraude, à cause donc de cette ressemblance avec la pierre taillée. Alors pourquoi une telle forme, une forme aussi bizarre, hein, qui répond pas au modèle habituel? D'après les spécialistes, il serait possible que la galaxie en fait ait pu se former lors d'une collision de deux galaxies spirales. Bon, pour en être sûr, il y aura besoin de plusieurs modélisations pour parvenir en fait à expliquer cet aspect curieux de la galaxie. Et puis, D'accord, donc cela. il y a des collisions entre galaxies spirales, ça c'est le bordel même là-bas en haut, c'est fou. Il y a Ah des oui, collisions entre galaxies spirales qui donnent des rectangles. Voilà, exactement. Enfin, ça, Ouais, ça c'est ce aurait que pu être. supposent les spécialistes, hein, parce qu'ils savent pas, on n'a pas vu en direct cette galaxie se former, mais c'est ça fait partie des hypothèses et puis qui demandent modélisation. Voilà, donc, et puis on pourrait donc imaginer que dans 3 milliards d'années, lorsque la galaxie d'Andromède fusionnera avec notre propre galaxie, la Voie lactée, on pourrait nous aussi devenir des habitants d'une galaxie à la forme rectangulaire. D'accord, enfin nous, ouais, Nous, oui, on s'est compris. nos descendants. Ouais, Les êtres vivants qui peupleront la Terre. ch'ti ch'ti D'ici 3 milliards Ok. d'années. Donc ça, c'était la news numéro 10. On a découvert une galaxie rectangulaire. Vrai Voilà. ou faux? Parfait. Alors la news numéro 11, c'est qui ça? Bah c'est moi, je crois. Ok. Alors, Hélène, on Donc, t'écoute. ouais, alors juste une chose, j'ai fait cette news, je l'ai intégrée à ce Bah, qui si ressemble tu veux, plus à une excuse-moi, chronique. Hélène, si tu veux, à la limite, je peux faire ma dernière news et puis tu la fais en dernier. Oh, comme tu veux, moi ça Si me tu dérange préfères. pas après. Bah, si tu voulais Bah, c'est la. juste que je l'ai fait sous forme de chronique signée au passage, mais. Pas de Bah, problème, ça me dérange allons-y. pas, ça intègre le concours, est-elle vraie ou pas? Donc Ok, en fait, ça donc. serait. Est-ce que c'est vrai que de voir un film triste est bon pour le moral? Ça Donc en semble fait. assez contre-intuitif a priori, mais Voilà. faux, moi Vas-y, je dis développe. faux. Donc l'idée. Enfin, la chose, c'est qu'en fait, cette semaine ressort le film Titanic de James Cameron en 3D. Quelle joie! Et donc. Moi, il m'a fait rire ce film, hein, je précise. Hein. Voilà, non mais... La plupart des gens l'ont trouvé triste, hein. Et donc, voilà, est-ce que faut y aller pour se remonter le moral? Et donc, en fait, la question réelle que se posaient les chercheurs, c'est de savoir pourquoi on aimait aller voir des films tristes ou des tragédies au théâtre, enfin, pas forcément juste des films, hein. Et donc, il y a une équipe de chercheurs en sciences de la communication de l'université d'Ohio qui a monté une expérience pour savoir pourquoi est-ce qu'on aimait les films tristes. Donc, ils ont proposé à 361 étudiants de voir une version abrégée du film Reviens-moi, qui raconte la séparation et la mort d'un couple d'amants durant la Première Guerre mondiale. Donc, quelque chose de parfaitement joyeux. Donc avant et après la projection, les étudiants devaient répondre à une série de questions pour savoir s'ils étaient heureux dans leur vie, enfin essayer d'évaluer. Là, il leur a été également demandé avant, après et 3 fois pendant le film d'évaluer leurs émotions, dont en particulier la tristesse, puisque le film est triste, on pensait que les gens seraient plus tristes pendant le film. Et après le film, en plus, les participants devaient évaluer s'ils avaient apprécié le film. Et écrire un petit texte sur comment le film les avait fait réfléchir à eux-mêmes, leur vie, leur but, leur relation, enfin leur vie en général, s'ils étaient heureux ou pas, enfin voilà. Donc en fait, c'est via ces textes que les chercheurs ont compris pourquoi on aimait les histoires tristes. C'est qu'en fait, ceux qui avaient, dont la tristesse avait le plus augmenté durant le film, écrivaient le plus à propos de leurs proches. Et en fait, ça augmentait leur bonheur après le film et les faisait plus apprécier le film. Donc ils aimaient plus le, enfin ils étaient plus heureux et donc ils aimaient plus le film. Donc en fait, c'est pas si étonnant que ça puisque on estime que les relations humaines sont une source de bonheur et que donc le fait de penser aux personnes chères, ça nous rend heureux. Jusque-là, rien de bien extraordinaire. Bon, les chercheurs sont quand même également demandé si le fait de voir un film triste, en fait, si les gens se disaient pas heureux par rapport au malheur des pauvres protagonistes à qui leur arrive plein de trucs. En plus, ils meurent, alors, si c'est dans Titanic, noyés dans de l'eau froide. Enfin bref, Ouais. chose D'accord, parfaitement alors on joyeuse. pourrait se dire, Ouais. Et on pourrait se dire, je suis Or, content que ça ne me soit pas arrivé à moi. voilà. Or, les personnes qui s'exprimaient le plus sur eux-mêmes n'avaient pas une augmentation de leur bonheur à la fin du film. Et n'appréciaient pas forcément plus le film que ça. Donc en fait, ces Ok, résultats donc c'est pas sont ça. conformes à ce qui était déjà connu en psychologie et qui explique en fait que quand on a des émotions plutôt négatives, en fait, on réfléchit plus. Parce qu'en fait, quand on a les émotions positives, c'est un signal que tout va bien, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, donc ben, on réfléchit pas trop, quoi. C'est bien. Tandis que quand les émotions sont négatives, eh ben, on est un peu plus critique par rapport à la situation, justement voir qu'est-ce qui ne va pas. Et du Il y a un coup, problème à voir résoudre. ainsi des amants maudits, ça nous rend triste. Du coup, on réfléchit plus, on pense à nos propres relations avec nos êtres chers, et du coup, on va être plus heureux et on va apprécier de voir l'histoire des amants maudits. Enfin, donc voilà, on est heureux de voir les gens tristes. Enfin, dans les histoires. Ok. Enfin bon, pour ceux qui ne veulent pas revoir le film de Cameron, et puis parce que c'est quand même le centenaire du naufrage du célèbre paquebot, hein, c'est pas pour rien que ça ressort Ah, c'est cette. juste, ouais. Eh Ouais, oui! c'est vrai, c'est en avril 1912. La chaîne TMC, Télé Monte Carlo, je sais pas si vous l'avez en Suisse, mais en tout cas en France, on l'a via la TNT. Je crois, ça c'est quelque part sur 40, entre 40 et 60 sur le câble. Donc, il propose le soir du 14 avril, hein, la fameuse nuit du naufrage, pile 100 ans après, la diffusion des deux premiers épisodes d'une mini-série anglaise qui s'intitule Titanic, hein, où quand même ils réussissent l'exploit de faire sombrer 4 fois le navire, c'est-à-dire en 4 épisodes. Donc, chaque épisode, le navire sombre. Moi, comme ça, vous êtes D'accord. prévenus. Donc, non, ce qui est pas mal, c'est qu'elle a été écrite par Julian Fallows, oui, dont on doit la série Downton Abbey, qui marche très très bien en Angleterre, et le film Gosford Park. Donc, ça doit vous mettre, enfin, pour ceux qui connaissent, c'est un univers assez particulier, puisque c'est très centré sur les rapports sociaux dans l'Angleterre du début du 20e. Et c'est tout à fait le cas dans Titanic. Donc si vous aimez pas ça, c'est même pas la peine de regarder. Je pense que vous n'allez pas aimer, mais sinon c'est très intéressant puisqu'on voit la société victorienne affronter de front d'ailleurs de nouvelles idées comme le droit des femmes, le droit des travailleurs et la chute des barrières entre les classes, en particulier la réaction des aristocrates face aux bourgeois qui s'enrichissent. Et puis juste une dernière petite chose, si vous voulez vraiment revivre l'histoire du Titanic, il y a un flux Twitter, c'est @RMS Titanic Inc. Enfin, on vous mettra les liens. Et comme ça, vous suivez heure par heure l'histoire du Titanic, c'est assez marrant. Là, ils nous ont parlé par exemple qu'ils faisaient les essais en mer, enfin des trucs. C'est heure par heure, 100 ans avant, qu'est-ce qui se passait pour le Titanic. Donc c'est rigolo. Voilà. Donc Ok, intéressant. il faut savoir ce qui est vrai, c'est pas si Titanic ressort en 3D, c'est Et si les films tristes nous rendent heureux. pas uniquement Marco, donc si en général les films tristes sont bons pour le moral. Vrai Voilà. ou faux, c'est la question 11. Ok, bon moi je sais pas si c'est vrai ou faux, mais j'achète ton explication, ça m'a Ouais, convaincu. je suis un peu comme la fosse là, mais il y a des choses vraies dans ce qu'elle a dit, mais je sais pas si Je tout suis est un peu comme vrai. la fosse, ça veut dire que t'es sceptique, c'est ça? Voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais. Je comprends. Je crois qu'on va instaurer un truc pour les blagues à deux balles. On va enfin générer un peu de revenus. Alors là, je vais être chaud à battre, hein, je vous le dis. On compte sur toi. Ok, dernière news, c'est la numéro 12, c'est donc Marco, c'est ça? C'est ça, c'est bien Marco. Oui. Voilà, Ok. donc la dernière news, on va parler d'écran et de bactéries. Donc Microsoft, en fait, vient de déposer un brevet pour un système d'écran auto-nettoyant. Donc il s'agit en fait d'un système de nettoyage automatique par ultraviolet, capable de repousser les bactéries et toutes sortes de germes qui sont présents sur les écrans. Donc les Attends, tablettes ça veut dire que tactiles. l'écran émet des rayonnements ultraviolets? C'est ça. Enfin, pas l'écran, en fait, super. C'est ce qui se trouvera derrière l'écran. Donc, en fait, les tablettes tactiles et smartphones, bon, ça s'est très popularisé aujourd'hui, hein, pratiquement tout le monde en a, voire un ou deux pour certains. Et donc, elles sont envahies de germes, puisqu'on touche sans arrêt avec nos doigts toute la journée ces écrans. Selon une étude en fait, de l'université de Stanford, sur un carré de 2,5 cm de côté d'un écran de smartphone, serait présent plus de 25 000 germes. Étant donné que rares sont les gens c'est un peu dégueulasse quand on y pense. Oui, voilà. Et puis rares sont les gens qui nettoient en fait leur écran quotidiennement. Donc c'est pour cela que Microsoft a choisi de travailler sur une méthode de stérilisation par ultraviolet, puisque justement les germes sont sensibles aux longueurs d'onde basées sur aux longueurs d'onde basses émises par les ultraviolets. Alors Microsoft en fait souhaite utiliser ce procédé en intégrant des LED qui envoie des ultraviolets en complément en fait des LED qui sont déjà présentes qui permettent le rétroéclairage de l'appareil. Sur le principe en fait les LED ne seraient pas systématiquement activés. Il y aurait des capteurs de mouvement qui pourraient détecter la présence de doigts sur l'écran. Donc à l'approche d'un doigt le processus de stérilisation serait stoppé et se réactiverait automatiquement dès que les doigts ne seraient plus en contact avec l'écran. Voilà, donc c'est un concept qui serait très intéressant, hein, qui pourrait être utilisé aussi pour les bornes publiques, dans les gares ou les aéroports, puisque chaque jour des milliers de personnes touchent les écrans et augmentent le risque de transmission de germes. Ouais. Voilà pour la news. Okay. Donc, est-ce vrai ou est-ce faux? Bon, elle est subtile celle-là, c'est pas mal. Enfin, elles étaient toutes subtiles. Oui. Mais d'accord. Et puis en plus, donc il y aurait un système qui détecte la présence ou le mouvement d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pas des rayonnements ionisants qui te sont balancés dans la figure toute la journée. Ça voilà, va pas faire ça. Office de solarium cancérigène quand tu regardes ton smartphone. Ok. Ouais. Ça me plaît bien, je me réjouis de savoir si c'est vrai ou pas. Donc ça c'était la 12, hein. Il faut répondre vrai ou faux. Et la question c'est, est-ce qu'il existe un écran qui lutte contre les bactéries? C'est ça la question? Ça, tout à fait. Ok. Enfin, est-ce qu'il existe? Non, pas encore. Est-ce que Microsoft envisage, envisage de construire ce concept? D'accord. Est-ce que Microsoft a un brevet en fait? T'as dit qu'ils avaient un brevet, hein? Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que Microsoft a breveté ce concept? Est-ce qu'ils travaillent là-dessus en ce moment? C'est la question 12. Ok. Bon, d'accord. Donc là, c'était la dernière question. Donc on sait qu'il y en a 8 vraies et 4 fausses, hein, dans tout ce qu'on a dit. Il s'agit de trouver lesquelles sont lesquelles. Et donc une la fausse première, par animateur, c'était. Donc En plus, ouais. Voilà. Il y a Monsieur Smith qui est déjà pas mal sur le coup là. Ah ouais, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah oui, il dit des vrais, des faux, faut regarder. Je sais pas ce qu'il en est. De toute façon, on ne dira rien. D'accord. Ok, on va peut-être juste récapituler une dernière fois. Donc, première news, on peut repasser sans se fatiguer grâce aux nanotechnologies. Vrai ou faux? Deuxième news, il y a un théorème mathématique qui explique comment, à partir d'un pain, en le découpant, en fabriquer deux exactement de la même taille. D'accord, dans un univers purement mathématique, bien sûr. Oui. Troisième news, on a découvert et présenté 3 nouvelles espèces de rhinogrades. Quatrième news, la miraculine rend sucrés les aliments acides et on sait pourquoi. Cinquième news, pi n'est pas un nombre univers. Donc là, on avait dit que c'est une news qui n'est pas vérifiée encore. Hein. Il s'agit juste de dire s'il est vrai ou pas qu'il y a une news qui porte là-dessus. Sixième, des chercheurs en ingénierie ont réussi à transformer du courant électrique en carburant. Septième news, des embryons de mammifères peuvent mettre leur développement en pause. Huitième news, il existe une théorie universelle. Est-ce qu'un certain Russell a parlé du fait que, à partir d'hypothèses contradictoires, on peut réussir à tout démontrer? Ce sera la façon la plus simple de dire les choses. D'accord. Vous avez le droit de nous redemander. Hein. Je suis très perturbé par ce Russell. Mais Bertrand Russell est en général pas perturbant du tout. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On va chercher. Il y en a plusieurs, hein, Donc je il faut crois, des taper. Bertrand Russell. Bref, Ouais, on mais cherchera. des philosophes, mathématiciens, logiciens, il y en a pas 36 quand même. C'est bien de lui que tu parles, non? Ouais, Si en ouais. plus c'est un autre Bertrand Russell, Non, non, non, c'est un mais peu vache quand non, non, c'est de lui que je parle. Je pense qu'on parle du même. Enfin, on... même. Ok. D'accord. News numéro 9, la plus petite balance du monde peut peser un électron. Dixième news, on a découvert une galaxie rectangulaire. Onzième news, voir un film triste est bon pour le moral. Et douzième, Microsoft a breveté un écran qui lutte contre les bactéries. Donc voilà, pour voter, on a dit commentaires sur le site, messages via le site, messages par mail, podcastscience@gmail.com. On redonne l'adresse du site à tout hasard, c'est podcastscience.fm. Vous pouvez aussi participer via Twitter, où on s'appelle simplement Podcast Science, via Facebook, où on s'appelle aussi Podcast Science, par carte postale si ça vous fait plaisir, par Minitel, c'est plus possible, hein. Ouais, ça va être Donc compliqué. voilà. Ouais, résultat des courses dans 2 semaines, dans l'épisode 82. On aura le plaisir de distribuer des t-shirts ou si vous n'avez pas envie d'un t-shirt, vous pouvez indiquer. Oui, alors indiquez aussi si jamais votre taille en t-shirt dans la réponse et puis C'est qui a marqué votre l'émission adresse est pour vous faire terminée? livrer. Non mais moi je l'ai rallongé. Ah d'accord, bon, Comment tout va ça? bien. C'est chez moi alors. Ah ouais, j'avais Désolé. pas fait attention, on a déjà dépassé l'heure. Ok, bon, bah on va essayer de plus trop traîner. Si jamais moi j'ai une petite information comme ça pour les initiés, le mot-clé Opalka dans les stats Google Analytics de notre site web a dépassé le mot-clé prosopagnosie. Et c'est dû à moi. Voilà. Comprendra qui pourra, qui voudra. On va enchaîner avec un petit retour sur les émissions précédentes. Sur l'émission précédente, en fait, plus précisément, parce que ça a fait couler pas mal de commentaires. Alors d'abord sur le goût des insectes. Donc notre ami David, alias Xilrian, nous a indiqué: j'ai testé les insectes grillés, frits, mais pas de sauterelles. Des insectes volants et des larves plutôt. Et frits, ça a plus ou moins un goût de chips. Donc voilà, il a répondu à une des questions qu'on se posait. David gagne un t-shirt Podcast Science. Pas besoin de te manifester, David, j'ai toutes les informations, ton adresse et tout ça, donc c'est tout bon. On a Urs également qui avait réagi en live dans la chatroom de NewWiz pendant le dernier épisode, qui nous disait: la sauterelle grillée a un goût proche du poulet grillé, mais avec une texture qui se rapprocherait plutôt de celle du céleri. Du coup, je sais pas vous, mais moi j'ai du mal à imaginer à quoi ça peut ressembler. Je crois que le seul moyen, c'est de Ça peut goûter être une mauvais quand sauterelle, mais il va même. falloir qu'on se dévoue. Ouais, ça a pas l'air épouvantable. Donc, Urs gagne également un t-shirt Podcast Science. Par contre, Urs, j'ai pas du tout tes coordonnées. Si tu peux nous contacter via un des moyens qu'on a évoqués, ce serait formidable. Merci beaucoup. Autrement, on avait d'autres commentaires, donc sur les solutions aux défis alimentaires. On a Jeff d'abord qui nous dit salut à tous et merci Alan pour ce dossier. Alan, ta réflexion sur la ressemblance possible entre le goût de la sauterelle et celui de la crevette a ravivé en moi un vieux souvenir qui va t'aider à étayer ta thèse. En fait, ça vient d'un reportage que j'avais vu sur la chaîne de télévision Planète il y a quelques années et qui parle du peuple Piaroa, qui présente une particularité étonnante, celle de manger des mygales géantes. Teraphosa blondii, si je ne me trompe pas. J'ai recherché ce documentaire, je l'ai retrouvé sur YouTube, je te le mets en lien, donc évidemment on le mettra dans les liens de l'émission. Si tu avances à 40 minutes et 50 secondes, c'est là qu'ils en parlent. Je vous préviens, les images peuvent choquer fortement les arachnophobes. Alors, moi j'ai regardé, évidemment. On a un peu l'impression qu'ils mangent du crabe, en fait. Ouais, ça choque pas plus que ça en réalité. Bon, j'ai regardé à partir de 40 minutes et 50 secondes où on voit les pattes de l'animal grillé. Donc ça a plus grand-chose de choquant. Peut-être que si on le voit vivant 2 minutes avant, c'est très différent, j'en sais rien. Mais bon, commentaire sympa. Par contre, Jeff n'a pas goûté. Donc pas de t-shirt. Aller goûter la Et mygale. puis, Exactement, il n'y a qu'à goûter les migales, c'est comme ça. Non, mais ça se gagne, hein. Un t-shirt podcast science. C'est pas facile. Autrement, d'autres commentaires. On a Matt qui nous a laissé un commentaire qui disait: on peut peut-être donner des insectes aux bœufs et consorts, mais j'ai peur du goût final. Bon, voilà. On a Mathieu, le nôtre de Mathieu, qui nous dit: soit dit en passant, beaucoup d'agriculteurs du sud de l'Europe sont passés au bio, non pas par conviction écologique, mais tout simplement parce qu'ils reçoivent des subventions de l'Union européenne pour faire de l'agriculture écologique, ce qui est, vous en conviendrez, pas trop fair-play comme reconversion. Alors, bah oui, moi j'en conviens tout à fait. Après ce qu'on a annoncé la semaine dernière, c'est effectivement pas tellement fair-play. On a Topo, notre ami Pierre Kerner, qui nous dit: bon, je vais faire mon rabat-joie, mais essayer de comparer les goûts des différents arthropodes me semble assez vain. Je cite Wikipédia: l'embranchement des arthropodes est de très loin celui qui possède le plus d'espèces et le plus d'individus de tout le règne animal. 80% des espèces connues. C'est environ 1 million d'espèces. À côté, les vertébrés représentent environ 50 à 60 000 espèces. Dire que les arthropodes doivent globalement avoir le même goût, c'est 20 fois plus grave que dire qu'il n'y a aucune différence entre une sardine et un steak. Voilà. Bon, et sinon, ajoute-t-il, quid de la solution de la viande synthétique, un palliatif pour la cruauté envers les animaux, et si la technologie le permet, une éventuelle réduction de l'impact de l'environnement. C'est peut-être le hamburger du futur. Il nous a mis un lien sur un blog de Scientific American. Ben voilà, il faudra aller voir, on le mettra dans les notes de l'émission. J'avais entendu parler des recherches sur la viande synthétique. Il semblerait que pour le moment, ce soit encore assez dégueulasse. On n'arrive pas à faire quelque chose de franchement comestible, mais qui sait, quoi, les chercheurs bossent dessus, ça devrait avancer. Bon, Pierre a joué les rabat-joie, donc il gagne pas de t-shirt, en tout cas pas pour ce commentaire-là. Et puis moi, ça m'évoque une question: quid de la viande d'autruche dont tout le monde s'accorde à dire, en tout cas les gens que j'ai entendus s'accordent à dire que ça ressemble à la viande de cheval. Je me demande quel est le TFI, le Taxonomy Fail Index, entre le cheval et l'autruche. Ça fait du devoir pour Topo, là, il va falloir qu'il réponde à cette question. Marco, tu avais une réponse à faire à son commentaire, hein? Oui, bah en fait j'ai fait une réponse sur le site déjà, mais ouais, je disais qu'il avait tout à fait raison sur le fait que les insectes, enfin, au niveau du goût, mais je pense que je suis mal exprimé en fait. Je crois que c'est moi en fait qui avait, en parlant de la crevette, je me souviens plus très bien, mais donc je me suis mal exprimé car ce que je voulais dire c'était que surtout on n'a pas de raison concrète, hein, pas de pour être dégoûté en fait de l'idée de manger des insectes, quoi. Je pense que c'est basé vraiment sur un préjugé culturel et voilà, c'est surtout ce que je voulais exprimer la dernière fois. Ok, ouais, bon, moi aussi, hein, j'ai dit qu'on mangeait bien des crevettes qui ont une tronche d'insecte. Ouais, donc En c'était fait, moi, pas. chaque fois que je mange des crevettes, je me dis que ça a une tronche de sauterelle, quoi. Mais c'est vrai qu'après, la comparaison s'arrête là. Ouais, après, de toute façon, il est évident déjà que des animaux qui vivent en mer n'aient pas le même goût que des animaux qui vivent sur la terre, quoi. Ouais, bah attention à ce que tu dis, hein. Pierre va de nouveau te tomber dessus, peut-être. Mais c'est sûr Ok, bah que en parlant de Pierre, si tu dis que les crevettes parlant de Pierre, ressemblent à nous... des sauterelles, je pense que Pierre va râler, ouais. Bah ouais, bien sûr. Non, puis il a raison. Il y a rien de scientifique dans ce que je dis. C'est juste une impression comme ça qui m'obsède un peu à chaque fois que je mange des crevettes. Pierre a fait un autre commentaire en réponse à Didier Barthes ou Barthes que j'avais cité dans l'épisode précédent. Donc je cite Pierre: pour répondre à vos griefs concernant l'entomophagie, les premiers sont triviaux. Le fait que de nombreux sont cuits dans l'huile ne restreint pas leurs utilisations dans d'autres recettes moins grasses. Ce n'est pas la première fois que l'Occident s'empare d'une denrée pour l'accommoder et l'intégrer largement dans les différentes cuisines européennes et nord-américaines, tomates, pommes de terre, cacao, maïs, etc. Le dégoût, il était bien réel pour les ingrédients que je viens de mentionner. En restait-il légitime? C'est notamment grâce à l'ouverture d'esprit de certains agronomes comme Antoine Parmentier et les ruses utilisées pour inciter à la consommation de la pomme de terre que nous pouvons jouir aujourd'hui de recettes culinaires qui font part entière du patrimoine français. Des initiatives originales sont d'ailleurs déjà en marche, comme celle excellente du Collège impérial de Londres, ENTO. Il nous a mis un lien sur cette initiative, c'est vrai que c'est assez cool. Je cite à nouveau Pierre: je vous invite surtout à regarder les vidéos qui sont fort convaincantes. Ensuite, vous mélangez la problématique d'une politique démographique avec une solution pour nourrir actuellement les 7 milliards d'individus sur notre planète. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'une réflexion poussée doit être menée sur la démographie actuelle et l'exploitation de nos ressources. En quoi, cependant, est-ce là un argument contre l'entomophagie? L'entomophagie semble, au contraire, une manière de prendre de front plusieurs graves dérives de cette surexploitation. Injecter ce mode alternatif de subsistance, c'est se donner la latitude pour diminuer la consommation de viande et non la maintenir en l'état. C'est pour pouvoir créer un flottement salutaire pour repenser l'agriculture actuelle. Au final, l'entomophagie est, comme toute solution apportée au moment d'une crise, un outil qui peut être instrumentalisé à mauvais comme à très bon escient. Ne vous érigez donc pas contre elle, mais tentez d'inciter, en soulignant ses bons côtés, une réflexion profonde sur notre place sur Terre. Alors voilà, j'ai dit tout à l'heure que Topo était un râleur et qu'il gagnait pas de t-shirt. Ben, je reviens sur ce que j'ai dit. Ça, c'est un commentaire magnifique, franchement, qui vaut amplement un prix de consolation. Donc Pierre, t'auras ton t-shirt. Sinon, on a Mantine qui a réagi aussi. Mantine, la bonne fée des podcasts francophones. Qui nous dit « Voilà un épisode contestataire s'il en est. Tout y passe, le bio devient une arnaque et un sale business. Les OGM deviennent la plus belle invention de l'humanité et même la sagesse de Confucius est discutée. Mais quel mauvais esprit vous a hanté ? J'ai beaucoup aimé ces deux épisodes, c'est bien de prendre le temps pour un sujet aussi dense. Je n'aurai que deux visions science-fictionnesques pour résoudre le dilemme pour nourrir l'humanité. Le soleil vert et l'habitat en monade de 1 km de haut afin de cultiver le maximum de surface terrestre comme dans les monades urbaines. Be seeing you, Mantine. » Marco, je crois que tu avais aussi une réponse hein, pour Mantine. Oui, pareil, j'ai répondu aussi sur le site. Que, c'est vrai que c'est l'idée du podcast contestataire, j'étais assez d'accord hein, sur le principe. C'est vrai qu'on a contesté le bio... Enfin, remis en question. On a fait fort. Hein. On a fait fort. Bon, ceci dit, on n'a pas fait l'apologie des OGM non plus. Hein. On a... Non, ça me semble pas. On a juste bon, invité à une réflexion. Ouais. Puis, comme je disais, voilà, c'est bien aussi des voix d'avoir un contre-pied sur les informations qu'on entend généralement. Quoi. Bah ouais, exactement. Enfin, l'idée, c'était juste de passer ce qu'on prend pour vrai un peu à la moulinette de l'esprit critique ce qu'on a fait. Après, et puis aussi je voulais faire remarquer enfin que c'est vrai qu'on avait contesté un peu, on avait discuté un peu sur Confucius, mais pas sur Laurent Ruquier, bizarrement. Ah ouais, alors ça là j'assume moins. Effectivement, casser du Confucius, c'est pas du Laurent Ruquier. C'est très discutable. En fait, j'avais rien à redire sur Laurent Ruquier, quoi. Enfin voilà, c'était pas assez profond. Ouais, c'est peut-être ça. Bon, ça, c'était pas assez profond. Ouais, c'est vrai que c'était une boutade, c'était une blague, quoi. Voilà, ça se passait de commentaires. Ça veut pas forcément dire qu'on adhérait. Sinon, on a encore un commentaire de Mathieu, toujours le nôtre, qui nous dit « La consommation d'aliments cultivés localement n'a pas été abordée dans le dossier. On ne peut pas parler de tout non plus. Plusieurs mouvements de local food vont dans ce sens, dans différents pays. » Il nous met un lien sur Wikipédia. « Est-ce que ça ne serait pas une approche intéressante et raisonnable aux défis alimentaires qui se profilent ?» Et là, je crois qu'Hélène, tu avais une réponse. Oui, alors j'ai gardé le mauvais esprit de l'épisode hein, dans ma réponse. Donc la solution du local food, effectivement, peut être intéressante, surtout d'un point de vue écologique, puisque c'est réduire les réduire le transport des aliments, finalement. Aliments, donc c'est vrai que c'est... Mais mon gros mais, ça serait que ça dépend un peu de là où on habite. Donc dans le mauvais esprit, la Corée du Nord essaye cette solution depuis des années, mais ça marche pas vraiment. Hein, la Corée du Nord est plutôt connue pour ses problèmes de famine que pour sa surabondance, sachant qu'elle se veut complètement autonome de manière alimentaire, enfin normalement quoi. D'accord. Et donc, justement, pour aller plus loin, c'est vrai que c'est nous, en tant qu'occidentaux, qui habitons dans des régions très favorables, enfin au moins favorables à l'agriculture, qui pensons à ça, mais c'est pas forcément le cas de la majorité de la population mondiale. Et donc, du coup, déjà, quid des gens qui sont dans des régions franchement pas favorables à l'agriculture? Ils empêchent d'avoir des enfants pour que ils puissent vivre sur ce que donne leur terre ou faire autrement quoi. Et puis, Ouais, donc c'est pas une solution universelle, c'est ça que tu dis voilà. Et finalement. puis, c'est pareil sur des grandes mégalopoles. Est-ce que c'est vraiment, enfin, est-ce que juste le local food est suffisant? En fait, la base de Sachant ce que. message, la base de ce message est peut-être juste de se demander si déjà le faire aux endroits où ce serait possible serait pas un Ouais. début de solution, quoi. Non, mais j'ai dit que c'était dans mauvais esprit ma réponse, Ouais, hein. bien sûr. Hein. Je mets les deux pieds dans le Ok, plat. et moi j'étais pas là la semaine dernière, alors je suis pas dans le mauvais esprit. Bah voilà, c'est juste. Est-ce que le mauvais esprit existe dans ton univers, Nico? Mais oui. Bon, Je l'ai allez, prouvé j'arrête ce avec le mauvais soir, esprit non? aussi. Ok, bon, ben effectivement, je suis d'accord avec Nico, quoi. Si, là où on peut le faire, il faut le faire. C'est vrai que ça devrait être un Ah oui, non, principe mais de base. je dis pas de pas le faire, hein. J'ai dit que c'était Bien intéressant. sûr, J'ai dit bien juste sûr. que ce n'était Ouais. pas universel. Mais c'est pas universel, effectivement. C'est pas forcément Et donc, voilà, est-ce que. une solution qui Enfin. marche partout. Ok, et puis sinon, on avait encore un dernier commentaire sur l'agriculture bio et son impact sur l'environnement de Giban Love, je sais pas comment ça se prononce, Giban Love. Bonjour, déjà merci pour vos podcasts scientifiques. Moi qui adore la science, je suis ravi. Sur la question de l'agriculture biologique et de l'environnement, je ne sais plus vraiment sur quel podcast vous en avez parlé. Moi, bon, c'est le dernier. J'ai été un peu déçu car vous n'avez pas insisté sur la diversité de l'agriculture bio. Concernant l'impact sur l'environnement, elle a l'avantage de donner des sols plus riches en matière organique versus l'agriculture conventionnelle, ce qui donne une meilleure structure des sols, ce qui limite l'érosion. Voilà, je voulais pointer cet aspect de l'érosion car je pense que c'est très important. Là aussi, je suis un peu déçu que vous n'en ayez pas parlé. Voilà, c'est tout, merci encore, cordialement. Bah oui, effectivement. Moi, j'étais même pas tombé sur ces informations-là dans mes recherches. Bon, mais ça, c'est l'avantage de la formule podcast, en fait. On peut toujours corriger le tir après coup. On est ouvert à vos commentaires, hein. Si, il faut pas forcément être d'accord avec nous. Si vous avez des sources mieux fournies que les nôtres, bah, n'hésitez surtout pas à apporter un complément d'information. J'avais dit que sur le bilan environnemental, c'était mitigé pour le bio. Hein. Je l'avais pas complètement démoli. Le problème, c'était essentiellement pour les arbres fruitiers, pour la vigne, les pommiers, par exemple, ces choses-là, qu'on a un vrai problème. Mais je crois que pour la culture des céréales, au contraire, quoi, c'est plutôt effectivement le bilan environnemental est plutôt pas mal. Donc voilà, là, on a des éléments de réponse qui nous manquaient. Merci Je vais beaucoup. faire un peu ton avocat, Alan. C'est vrai que bon, si le sujet c'était pas vraiment le bio en lui-même, hein, mais Non, c'était c'est vrai, les c'est vrai. solutions pour l'alimentation. Absolument, mais c'est vrai que je l'ai quand même longuement abordé, le sujet du bio. Alors peut-être pas assez, effectivement, peut-être qu'il aurait fallu aller jusqu'au bout des choses, mais enfin voilà, petit à petit, avec les éléments de réponse qui vont arriver, je pense que l'une dans l'autre, ça donnera quelque chose comme un dossier complet sur le bio, et puis on pourra se faire une idée. Voilà. On arrive au moment de l'émission où on va parler de l'émission de la semaine prochaine. Donc l'émission de la semaine prochaine, c'est Hélène qui va la faire. Tu as un peu révisé le dossier que tu voulais faire, que finalement tu n'avais pas fait. Est-ce que tu nous as préparé un pitch, un 1 minute pitch? Ouais. Ouais? Alors on y va, ta minute démarre maintenant. Donc quand on se demande d'où viennent les idéaux du parti pirate allemand, des Anonymous, on a tendance à chercher la réponse sur Internet. Enfin, comme j'ai voulu faire pour la première partie de mon dossier. Mais la réalité, c'est qu'ils viennent du monde universitaire, qui sont passés par le logiciel libre, Internet, puis la diffusion de la culture pour revenir au monde universitaire. Bref, la boucle est bouclée. Les idéaux libertaires du début d'Internet et des logiciels libres qui soutiennent la coopération, la réutilisation et le remix sont passés d'une douce utopie à un modèle qui fonctionne et dont les membres développent des talents de juriste ou de politicien pour défendre leur création et leur façon de faire. En reposant la question du droit d'auteur, ils ont également permis aux chercheurs de se poser des questions sur leur mode de diffusion de leur savoir et de leur découverte. Voilà, on va essayer de voir un peu tout ça la semaine prochaine. Et ça va, à mon avis, ça va être bien long. Il y a des choses à dire. Ok, bah écoute, c'est excellent. Excellent, on se réjouit d'entendre ce que tu as à nous dire. Voilà, la minute est terminée. On avait quelques plugs à faire, ou en tout cas Un premier qui nous a été signalé par Xavier Agnès, c'est une conférence de Nicolas Gauvry, L'art de mentir avec les statistiques. Donc c'est l'Association française pour l'information scientifique du Languedoc-Roussillon, donc l'AFIS Languedoc-Roussillon, qui l'organise, qui vous convie à assister dans le cadre des rencontres pour l'information scientifique à cette conférence de Nicolas Gauvry qu'on avait reçu dans le podcast, qui est docteur en sciences cognitives, agrégé de mathématiques, et dont le thème sera l'art de mentir avec les scientifiques. Donc la petite présentation, c'est le jeu des statistiques commence avec le choix d'un échantillon, puis vient l'application d'un gestionnaire particulier ou d'une autre manière de mesurer, d'un questionnaire particulier, pardon, ou d'une autre manière de mesurer, entre guillemets. On calcule ensuite les indices, on trace des graphes et on les interprète. Parfois, on utilise même des statistiques pour vérifier que l'on peut généraliser les résultats observés. À chaque étape de ce parcours, des paradoxes parfois étonnants, des pièges dissimulés peuvent tromper le statisticien de bonne foi ou aider le charlatan. Nous verrons sur des exemples variés certains de ces pièges sur un mode pointilliste. Cette conférence se tiendra au Corum de Montpellier le 30 avril 2012 à 20h dans le salon du Belvédère, entrée libre et gratuite. On mettra le lien dans les notes de l'émission. Alors ça se passe à Montpellier, c'est un peu vache pour nous autres qui sommes presque tous loin de Montpellier, oh, sauf pour l'une d'entre nous. Donc oui. toi tu es à Montpellier, Hélène, donc tu vas oui, y aller évidemment. Bah ben voilà, je vais y aller. Je peux pas dire que je suis okay. trop loin, moi. Non, mais donc, c'est, voilà, c'est génial. Donc, du coup, bah, s'il y a des poditeurs qui sont par là, qui viennent, je devrais y être. Donc, voilà. Donc, si... on va essayer de se voir. Et puis après, ou avant la conférence, discuter, boire un coup. Enfin, il y a plein de choses à faire à Montpellier. Bah ouais. Puis, si vous voulez puis, donc, venir, hein, vous dites hein, aussi, il n'y a pas de souci. Tu t'adresses à nous ou aux poditeurs? Oui, à vous. Poditeurs, à nous les animateurs. À vous les animateurs. Ouais, adresse-toi aux poditeurs. Bah, les poditeurs, ils peuvent okay. venir bon, bah, écoute... à la conférence et on boira un coup, il n'y a pas de souci. Bah ouais, non mais franchement, c'est deux excellentes raisons d'y aller. D'abord, une conférence de Nicolas Gauvry, ça va juste être génial. Et puis, accessoirement, c'est l'occasion de faire la connaissance d'Hélène. Bah écoute, qui sait, pourquoi pas, après tout. Moi, voilà, je me suis dit non par défaut parce que c'est loin, mais... C'est pas si loin, on verra. Oh, le 30 c'est avril. Sympa, donc. Montpellier. Ah ouais, c'est très très sympa, effectivement. Ok, on avait d'autres petits plugs ou petites news, mais comme l'heure tourne, je vous propose qu'on laisse tomber, qu'on passe à la quote. Alors, est-ce que quelqu'un nous a préparé des quotes cette semaine? Bon, pas moi, en tout cas. Côte de Laurent Ruquier, peut-être. Non, ça va, ça on a déjà fait, je crois qu'on est bon pour une année. Ok, bon, ben moi j'en ai trouvé une, j'en ai cherché qui soit en rapport avec le 1er avril ou avec l'humour ou quelque chose comme ça. J'en ai trouvé une que j'ai trouvé très très sympa. Elle est en anglais, il va falloir la traduire. When people are laughing, they're generally not killing each other. Est-ce que quelqu'un se sent ouais. de la traduire? En général, quand les gens rient, ils ne sont pas en train de se tuer. Ils ne sont pas en train de s'entretuer. Ils ne sont pas en train de s'entretuer. Ouais. Exactement. C'est de Alan Alda, qui est entre autres le présentateur de l'émission Scientific American Frontiers. Voilà, moi je trouve ça très cool. Il a raison. Sauf dans les films. Souvent, les gens se tuent en riant. C'est vrai. Dans ton univers, tu veux dire, vous avez aussi des films? Ça y est, je suis enfermé. Et en plus, du coup, ça remonte le moral. Et... C'est vrai qu'après ouais. tout, après les films tristes qui remontent le moral, pourquoi pas des gens qui se tuent en rigolant. Avec le sourire. Ben ouais, soyons fous. Entretuons-nous joyeusement. Et selon non, moi, marre, je préfère ouais. croire que Alan Alda a raison. Quand les gens se marrent, ils s'entretuent pas. C'est plutôt cool. Rions. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vais juste passer un petit merci à Brigitte, qui a eu la gentillesse de m'héberger pour cet épisode du podcast, histoire de pouvoir faire le live dans des conditions sans enfants qui décident de se taper dessus après 20 minutes. C'est très cool, merci beaucoup Brigitte. La prochaine émission, ce sera donc mercredi prochain, donc sur le phénomène logiciel libre, open source, partie pirate, de l'explication scientifique du phénomène à la science 2.0. Et puis, ben, on en reste aujourd'hui pour cette semaine. Bonne semaine à tous, à bientôt, ciao ciao. Hello. Salut. Salut.